Après une journée bien trop chargée, je me rentre heureux dans mes appartements. Couché sur mon lit, peinard parfait, mes oreilles se mettent à saigner. Car mon voisin chante faux, je ne sais plus quoi faire. Car mon voisin chante faux, ma vie est un calvaire. S'il se met au saxo, je m'ouvre les veines de colère. J'aime tellement cette ville de Metz, et ma chambre étudiante, même si parfois elle me coûte quand même pas mal cher certains mois. Tout est beau ici, même cette blonde me sourit. Il n'y a qu'un hic qui dure toute l'après-midi. Mon voisin chante faux, je ne sais plus quoi faire. Car mon voisin chante faux, ma vie est un calvaire. S'il se met au saxo, je m'ouvre les veines de colère. Je ne chante pas faux, tu exagères un peu. Je me suis entraîné à chanter avec un pneu. Et puis l'année prochaine, je ferai même la Starac. Moi je serai tout là-haut, toi tu seras à la fac.